Laetitia Gaillet fait ses bruitages toute seule. C'est à vous, Charline. Oui. J'étais à la chasse, désolée. D'accord, ah c'est ça. Aujourd'hui, vous faites les bruitages toute seule. Ouais, je suis toute seule, alors donc je m'écoute et j'annule tout. Vous êtes une beatbox à vous toute seule, c'est formidable. Vous savez tout faire, et aussi, surtout, les informations. Merci, allez. Laetitia Gaillet. Nous aussi, on s'empare d'informations. Écoutez la manière dont on les choisit. Ouais, bon courage. Le matin, vous en foutez complètement. Ok, très bien. Bah, écoutez ce qui s'est passé ce matin. Salut les amis. Salut Charline. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben il y a le bureau politique de l'UMP. Ah oui, c'est bien. Mais c'est quoi exactement l'idée? C'est les gens de l'UMP qui se réunissent pour savoir où ils vont. Ah c'est bien, ça c'est la démocratie, c'est bien. Démocratie, à la fin c'est Sarkozy qui décide. Ouais, c'est vrai. Bon on a le sujet en tout cas. Il y a aussi le congrès du PS. Ah très bien, c'est moi je comprends. Ah ouais, mais c'est quoi exactement l'idée? Ah bah alors là ce sont les gens du PS qui se réunissent pour savoir où ils vont. Ah ouais, c'est bien, c'est la démocratie, c'est bien ça. Ouais, enfin bon tu sais à la fin c'est Hollande qui décide. Ouais, c'est vrai. Bon on a le sujet 2 en tout cas. Alors sujet 3, je propose le colloque d'Europe Écologie Les Verts. Ah ouais, c'est bien, c'est bien ça. Ouais, enfin mais c'est quoi exactement l'idée? Eh ben, c'est les gens de Europe Écologie des Verts qui se réunissent pour savoir où ils vont. Ah ouais, c'est bien, c'est la démocratie, ouais, ça c'est bien. C'est la démocratie, ouais, chez des Verts, il n'y a personne qui décide à la fin. Non, mais attends Alex, mais il n'y a pas de colloque des Verts, enfin. Ah j'en sais rien, mais comme tous les autres partis se réunissent pour réfléchir, je me suis dit peut-être qu'eux aussi. Est-ce que t'en as entendu parler? Non. Bah ouais, des Verts qui réfléchissent, on en aura entendu parler quand même. Voilà, résultat, il nous manque un sujet. Ouais, enfin, on devrait faire ça nous aussi, je trouve. Mais quoi ça? Par exemple, un séminaire, si tu écoutes, j'annule tout. Ouais, d'accord, enfin, c'est quoi exactement l'idée? Les gens de si tu écoutes, j'annule tout, réunis pour savoir où on va. Ah ouais, c'est bien, ça c'est la démocratie, c'est bien. Enfin, la démocratie, à la fin, c'est Charline qui décide. Ouais, et vous êtes virée. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui réforme l'actualité en profondeur. Et voici les trois informations qu'on va vous imposer par décret, publiées au journal officiel jusqu'à 18h. L'UMP a accouché de son bureau politique, un bureau resserré de 168 personnes. Oui, parce qu'à 168 dans un bureau, on est très très serré. Voici comment ces membres ont été recrutés. Vous recherchez des hommes, pareil? Exact. Et qu'ils soient bons tireurs. Les adhérents au Parti Socialiste votent demain pour départager les différentes motions. Voici le conseil personnalisé de Jean-Christophe Cambadélis aux votants. Où est-ce que tu crois à la foire aux occasions, bordel de Dieu? Il y a deux routes à suivre pour ce job. Ou tu suis ma route, ou tu tailles de ma route. Le club de foot de Sochaux-Montbéliard vient d'être racheté par les Chinois. Ils ont une technique infaillible pour fondre sur leur proie. Quatrième 4, le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du petit dragon de la blague. Mais oui, ça fait plaisir d'entendre Bruce Lee sur France Inter. Et autour de la table, eh bien, que des grands spécialistes des arts martiaux. À 17h20, il est là. Il est là. Et même quand il est là, il est toujours un petit peu dans la lune. Et les femmes, elles, sont au zénith. Notre Pierrot, Dédé Manoukian. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Alex, bonjour Charline, écoutez je vais très bien et je vais surtout, voilà, je suis content de vous présenter quelqu'un qui va mettre un petit peu de douceur dans notre monde de brut. Il a une voix qui est un baume sur le cœur, sur nos émotions. Il s'appelle William Fitzsimmons, je recommence, il s'appelle William Fitzsimmons et il pratique un folk un peu hipster. Vos lancements sont aussi un beau moment. À 17h30, il est là aussi. Et cette semaine, il fait son festival de Cannes. La palme d'or de l'irrévérence ou la pin-up qui déshabille ses interlocuteurs. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors effectivement, suite de mon séjour au festival de Cannes, avec aujourd'hui les professionnels du cinéma. Et producteurs, réalisateurs, distributeurs, ils traversent beaucoup de difficultés parce que... Maintenant, les gens demandent beaucoup de films de qualité. Ça, c'est le problème. Ouais, c'est le problème. Arrêtez de demander de la qualité aussi. Allez voir des films français. Et à 17h40, elle est là. Et ces trois mots se suffisent à eux-mêmes. Elle est là. En rajouter serait superflu. Elle est là. Ce serait donc bête de faire un long lancement pour le dire. Elle est là. C'est Clara Dupont-Monod. De quoi veut-on parler? Alors que Luz a annoncé son départ de Charlie Hebdo, et ben focus sur sa bande dessinée qui sort aujourd'hui. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty, qui était déjà un people avant l'heure, si on lit vos ouvrages. Vous dirigez le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines à partir de 2006, quand Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly. Comme ça, il en a branlé une au moins. Vous publiez... Il a trop rien foutu quand même, Chirac. Vous publiez une histoire de la langue de bois en 2009, c'est l'année où le RMI devient le RSA. Vous devenez directeur de l'Institut d'études culturelles en 2010, quand le monde comprend enfin la notion d'exception culturelle française, avec la sortie de l'album Best Of de Patrick Sébastien. Et donc vous êtes Christian Delporte. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Christian Delporte, moi je suis ravie de vous recevoir parce que vous travaillez sur tout ce qui sont mes dadas. Donc, vous pour avez moi, écrit une bio Noël. D'André Manoukian Pour moi c'est Noël aujourd'hui. Alors évidemment vous avez publié notamment un ouvrage Histoire de la langue de bois en 2009, je l'ai dit. Comeback aussi, ou l'art de revenir en politique chez Flammarion. Et alors vous dirigez actuellement le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l'Université. Je ne dirige plus, mais c'est pas très grave. C'est vrai, même à l'Université de Versailles 51 en Yvelines. Toujours, oui. Genre, en tout cas, ce matin, Très bien. En tout cas, vous êtes à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et vous dirigez aussi la revue Le Temps des Médias. Ça c'est toujours bon. Donc, je valide pour la prochaine fois où vous reviendrez. Alors, on n'a jamais eu autant de départs et de retours en politique, même Cincinnatus, alias Arnaud Montebourg. Mais le vrai retour, dites-vous, se fait après le silence. Or, de silence, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Alors, est-ce que des retours sont encore possibles ou il n'y aura jamais de tome 2 de comeback? D'abord, des retours, il y en a eu beaucoup, parce que quand même ceux qu'on présente comme les principaux présidentiels sont des gens qui n'ont pas arrêté de faire des retours. Hollande, il était hors circulation en 2008, plus personne ne voulait en entendre parler, et puis on sait qu'il est revenu, je signale qu'il est président de la République. Je crois que lui-même n'est pas au courant. Alain Juppé, il était mort politiquement quand il a été condamné, il a même fait un exil au Québec pour se ressourcer, il est revenu, il était impopulaire, maintenant il est populaire. Et puis j'en oublie un, évidemment, qui est Nicolas Sarkozy, qui est mort au moins deux fois, qui est mort en 95. C'est vrai. Qui est mort en 99, qui est revenu, et puis on attend la suite. Alors les retours aujourd'hui se font moins en temps de désastre et de menace absolue, enfin heureusement pour nous, et se font généralement au cours de petites crises politiques où les gens reviennent tels des messies. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy est banal parce que finalement la crise politique des grands partis est banale aussi? Ils voudraient tous revenir en messie, ils voudraient tous revenir en sauveur, mais ça n'est pas toujours possible. C'est ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, il voulait revenir comme sauveur de la France, il est revenu comme sauveur de l'UMP, c'est déjà pas mal. Alors, il y a aussi un aspect intéressant quand on revoit l'histoire des politiques, de leur communication et des images. Je disais que vous étiez né sous René Coty. Je disais qu'il était... Fin du règne de René Coty, je tiens à dire. Oui. People avant l'heure, parce qu'on vit bien sûr à l'heure de la pupolisation politique. Giscard a été maître là-dedans, évidemment. Mais même René Coty... Même René Coty. Oui. A ouvert ses portes ou a été légèrement pipolisé. Ah oui, tout à fait. Oui, il avait un petit appartement Quai des Fleurs à Paris et il a eu la faiblesse d'ouvrir son appartement aux photographes de Paris Match qui l'ont pris sur toutes les coutures, y compris en pyjama. Et à l'heure du repas, avec Madame Coty servant la soupe à Monsieur Coty. ça faisait déjà, sinon la une, du moins les pages intérieures de Paris Match. Et donc Paris Match est pionnier dans la pipolisation, bien sûr. Enfin, alors, c'est le fou la poule, il y a le politique et le média, mais Paris Match, on peut dire, c'est le fer de lance. Oui, Paris Match, parce qu'il le voulait, René Coty, un peu parce qu'il n'a pas fait exprès et qu'il pensait qu'on utiliserait ses photos autrement. Mais il y a tous ceux aussi qui sont partis, qui sont revenus, pardon, et on ne s'était pas aperçu qu'ils étaient partis. En politique, il y en a des plein. Noms, noms, François Bayrou, il passe son temps à revenir, parce qu'en fait, il était parti, mais on ne s'en aperçoit plus. Ah oui, donc, il est parti, mais pour partir, il faut d'abord arriver. Moi j'ai une question parce que je sais qu'il nous écoute, parce qu'il a le temps. Le retour de Jean-François Copé, c'est pour quand? Là je ne sais pas, je pense que ça va demander à tout petit peu de temps. Il faut que vous soyez patient. Bon allez, Jeff, patience. Ah oui, oui, apparemment, il y avait un article hier dans L'Opinion sur Copé qui prépare son retour pour la primaire de 2016. Il n'est pas patient du tout, il n'est pas patient. Mais non, non, non, voilà, donc je vous informe parce que ça, c'est quand même important de le savoir. Mais on le salue, il nous écoute à Fleury Mérogis. Le retour de Jeff, on l'attend. Allez, nous sommes en compagnie de Christian Delporte. Jusqu'à 18h, Comeback, c'est son dernier ouvrage, c'est Flammarion, ou l'art de revenir en politique. On va parler d'un revenant, Nicolas Sarkozy, juste après The Clash. Et ça, c'est avec Hollande. London Calling. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. For the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. London is drowning. C'était les Clash sur France Inter. Autour de cette table, Alex Vizorek. Mais que des revenants. Nous avons André Manoukian, nous avons Guillaume Meurice et nous avons Clara Dupont-Moineau. Bonsoir. Et notre invité, Christian Delporte. C'est la résurrection, en fait, votre thème. C'est Osiris est mort avant de revenir. Jésus meurt avant de revenir. L'idée, c'est qu'on peut. Il faut mourir pour revenir, quoi. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je n'étudie pas seulement le moment du retour, mais je mets tout le processus qui fait qu'on part, qu'on traverse le désert et qu'on revient. Eh oui, on revient du désert. Même quand on part au Québec, on traverse le désert au Québec, comme Alain Juppé, et puis on revient. Et ça, c'est beau. Vous êtes sur France Inter. Allez, Christian Delporte, vous savez, à cette heure-ci, c'est le moment de la revue de presse à deux voix. S'il y a des choses qui vous ont échappé dans la presse aujourd'hui, nous, on s'en est emparés. Oui. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. On commence par le sujet du jour, la réforme du collège, enfin du jour, oui. C'est le sujet du mois, c'est le sujet de l'année, la réforme du collège. Le décret d'application est publié aujourd'hui au Journal officiel, au lendemain de la manifestation des enseignants, qui fustige notamment l'interdisciplinarité. Oui, alors croiser deux disciplines dans un même cours, on le fait déjà depuis longtemps, par exemple l'histoire géo. Oui, et il y aurait d'ailleurs une certaine logique à croiser le cours d'économie et le cours de grec. Mais oui, réunir des matières, c'est pas très compliqué. Par contre, il vaut mieux éviter les classes mixtes, allemand-anglais. Bah, on a vu comment ça ça s'est terminé la dernière fois. À ce propos, la disparition des classes bilingues, Jean-Marc Ayrault doit faire la gueule en tant qu'ancien prof d'allemand, j'imagine. Oui, enfin, remarquez, il fait aussi la gueule en tant qu'ancien Premier ministre. Ça ne change pas. En revanche, Najat Vallaud-Belkacem précise à propos du cours d'histoire, je cite, « Il n'a jamais été question de supprimer l'étude des Lumières. » Ah oui, c'est idiot, tout le monde sait de toute façon que la lumière, c'est en physique, quoi. On n'apprend pas en histoire. Voilà, c'est ça. Passons à un retour. Oui, gros retour d'Agnès Salle, Le Monde l'annonce là, ce midi. L'ancienne directrice de l'INA, virée pour ses notes de taxi trop élevées. Ah oui, oui, c'est même Fleur Pellerin qui l'avait poussée à démissionner. Exact, ouais, ouais. Et bien elle a retrouvé de l'emploi. Non, dit dans un ministère. Ah, dis donc. Alors, le ministère de la mobilité, j'imagine, pour régler le problème de Uber, par exemple. Eh ben non, non, non, et devinez où elle a trouvé de l'emploi ? Au ministère de la culture. Non, si non. C'est pas mais un non, beau... Mais oui, c'est vrai, non, ça, on dirait le Gorafi, mais c'est vrai. C'est vraiment un beau message d'espoir pour tous les Français. Hein, si votre supérieur vous vire, il pourrait changer d'avis. Merci, Fleur. Et on passe à la rigolade entre deux présidents américains, Barack Obama et Bill Clinton. Barack Obama a ouvert son compte Twitter et Bill Clinton a envoyé un petit tweet en disant « Bienvenue sur Twitter, @POTUS ». POTUS, c'est l'acronyme de President of the United States. Et il lui a posé une question. Bill, il lui demande si le nom d'utilisateur est attaché à la fonction. Genre, est-ce que si Hillary devient présidente, est-ce qu'il va hériter du compte? Et qu'est-ce qu'a répondu Barack Obama? Eh ben Barack Obama a répondu « Bonne question. D'ailleurs, connaîtrais-tu quelqu'un qui serait intéressé par récupérer Flotus, First Lady of the United States ?» Ça rigole bien entre les présidents américains. Et voilà. Alors, on fait un point Jean-Luc Lahaye. Oui, c'est le point Jean-Luc Lahaye. Ouais. On en a parlé hier, vous souvenez-vous, il avait dit ça. Vous aviez déjà eu une affaire dans le passé. Est-ce que vous vous dites, à un moment donné, mon attirance pour des jeunes filles, que vous pensiez majeures, peut-être qu'à un moment donné, il faut que... Que je me tape Julie Pietri ? Non, je suis... Voilà, c'était la grande classe d'hier. Eh bien, comme on s'y attendait, ça fait rire. Je pense qu'on va passer tous les jours de la semaine, ça fait rire. Julie Pietri, par contre, a pas rigolé des masses. Et hier soir, son avocat a annoncé que Julie Pietri portait plainte contre Jean-Luc Lahaye, ce qui fait donc de Julie Pietri, de loin, la femme la plus âgée à porter plainte contre Jean-Luc Lahaye. Très bien, et on termine par un conseil télévision. Oui, France 5 diffuse jeudi un documentaire, Gérard Depardieu, Grandeur nature. Et les premières images circulent. De nombreuses personnes l'ayant connu, le connaissant, vont parler de lui. Notamment Jean-Paul Scarpita, metteur en scène d'opéra. Il fait réapparaître les gens, Gérard. Il fait réapparaître les morts. Il les fait parler. Il les voit. Il leur donne une vie, une lumière. Voilà, donc un très très beau documentaire sur les ravages de l'alcool. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout, en compagnie de Christian Delporte, historien spécialisé dans la politique, l'image de la politique et la communication politique. Et ça, c'est un gros dossier, communication politique. Ça s'étoffe de jour en jour, n'est-ce pas? C'est inépuisable. Le champ d'investigation, vous noyez dans le champ d'investigation à un moment, non? J'ai du mal à suivre. Allez, premier sujet avec vous. La composition du bureau politique de l'UMP a été dévoilée hier. Ils sont 168 membres. Ça va faire des grosses dépenses en mobilier. Hein, mais en alignant 26 tables Ikea, ils devraient s'en sortir. J'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Alors, nous attaquerons l'ennemi de toutes parts. De là et de là. Et nous formerons, qui dirait, un mouvement de tenaille. Oui, mais il faudra avoir des renforts. Non, monsieur. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité des hommes, c'est la qualité. C'est pourquoi vous allez suivre, sous ma direction, un entraînement de choc. Pas de question ? Ce sera tout, messieurs. À tout de suite sur le terrain. Le gendarme de Saint-Tropez l'a dit, ce qui compte, ce n'est pas la quantité des hommes, c'est la qualité. D'ailleurs, je vous donne les noms des hommes de qualité qui font partie de ce bureau. Brice Hortefeux, Jean-François Copé, David Douillet, Éric Woerth. Je continue ou On dirait une garde à vue, quoi. Oui. Il y en a 167, donc vous disiez. 168. Oui. Non, n'oubliez pas, Alex. Libération, titre, une armée mexicaine. Alors, Christian Delporte, d'un point de vue de l'image, de l'histoire, de la politique, tout ça, est-ce que c'est l'art de la guerre, c'est pour impressionner l'adversaire d'avoir une si grosse armée, ou risque de noyer un petit peu son bureau et diriger seul les choses? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? Vous savez, c'est un peu comme la préparation d'un mariage. Au départ, les deux futurs époux disent on va inviter quelques dizaines de personnes, et puis ensuite on se tourne vers les parents qui ont des amis, qui ont de la famille, etc. On se retrouve à 200. Et là c'est un peu ça, parce qu'en fait il a fallu Cazé, les amis de Juppé, les amis de Sarkozy, les amis de Le Maire, les amis de Fillon. Tout le monde est content. D'ailleurs, si vous avez vu les déclarations des uns et des autres, Fillon nous dit que c'est un bon compromis, Juppé que c'est une proposition cohérente, Le Maire nous dit que c'est un rassemblement qui doit l'emporter sur la logique comptable. Ouais. On l'a vu, hein, sur la logique comptable. Donc tout le monde est content. On a même invité le vieil oncle, c'est-à-dire Brice Hortefeux, par exemple, le vieux cousin. Le vrai membre invité, c'est Éric Ciotti, parce qu'on savait pas très bien où le mettre. Donc, on a créé une catégorie spéciale des membres invités. On a créé de nouveaux collèges, ce qui nous explique pourquoi il y a 40% de plus de membres que dans l'ancien bureau politique. Et alors, ça donne l'image d'une grande famille qui ouvre ses bras à tout le monde et qui voilà, apaisée. Quoi, ça donne l'image du rassemblement. Ah, voilà. Bah, évidemment. Donc, on a Sarkozy rassembleur qui s'est arrangé pour ne fâcher personne. Alors, il y a aussi les adhérents de l'UMP qui vont se prononcer à la fin du mois pour les Républicains. Alors, ça, en termes d'image, alors, on sait que la droite a souvent, enfin, relativement régulièrement changé de nom, RPF, RPR, etc. Et là, les Républicains, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est, je sais pas, est-ce que ça vous a aussi interpellé? Vous trouvez ça, c'est aussi un hold-up sémantique? D'abord, ça ne fait pas bien joué. Ça ne fait pas plaisir à Paul Républicain. Oui, c'est vrai. Un monsieur qui s'appelle Paul Républicain. Paul Républicain, qui est de Tarbes et qui. Mais ça, ça soulage Jean-Jacques UMP. Alors que Pôle emploi, lui, n'avait jamais porté plainte. Non, c'est la première. Il y a toujours eu à droite la référence à la République dans les noms de partis. Mais jamais, effectivement, on s'est approprié le substantif, les Républicains. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que quand on regarde les statuts du futur mouvement, les Républicains n'interviennent qu'une fois dans ces statuts, n'apparaissent qu'une seule fois, parce que sinon il y a des problèmes de syntaxe et de logique. À cause du pluriel. Du type, voilà. si on avait gardé Républicains, ça aurait donné la dissolution des Républicains est prononcée par l'ensemble des adhérents. Ce qui pose problème en effet. Donc là, bon, ils sont mal barrés, mais on aura la réponse en tout cas à la fin du mois, ou de la justice, hein, puisque ce fameux Paul Républicain, peut-il avoir gain de cause, et des adhérents de l'UMP. Vendredi normalement. Ah voilà, et des adhérents à jour de cotisation, bien sûr. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils réduit le nombre. Ça fait présent sur les listes du PS, ça serait vraiment marrant. Paul Républicain, si tu nous écoutes. Pour une motion du PS, on va en reparler tout à l'heure avec vous, Christian Delporte. À cette heure-ci, c'est le moment d'André Manoukian. Ah. Profitez-en, parce que c'est le moment de la semaine. Écoutez, c'est le moment doux. On dit que la folk moderne est née autour d'un feu de camp, une nuit de pleine lune en 1929. Qui dit ça, André? Quelque part, c'est une légende. Ça, en Oklahoma, quand un des 3 millions de fermiers jetés sur la route 66 par la grande tempête de sable et la dépression se saisit d'une guitare pour raconter la journée de merde qui venait de passer. Journée de merde qui, mise en musique, prend soudain tout son sens. C'est le privilège de musicien de se délivrer de sa peine à l'instant qu'il la chante. Si seulement je pouvais chanter devant vous, Charline. Ouais, déjà, souvenez-vous du prénom, ça sera déjà pas mal. Quant à celui qui écoute, il est dans l'expérience de la catharsis, la purification de l'âme, le grand lavage psychologique. C'est si bon d'entendre raconter, d'entendre chanter la détresse des autres. Ça nous donne un curseur dans l'échelle du malheur, où on peut se situer finalement à un degré moindre. D'où la fameuse phrase de Lucrèce, qu'il est doux d'assister à un naufrage quand on a les deux pieds bien au sec sur le rivage. C'est à ça que ça sert de chanter, à mettre en commun ses joies et ses peines. Élaborer un colcause affectif, en somme, une forme de kibboutz sentimental. La folk, la musique du peuple, porte la parole des petits, des sans-grades, des anonymes. Et c'est pour eux que John Steinbeck écrivit Les raisins de la colère, c'est pour eux que Woody Guthrie composa les Dust Bowls Ballades, les ballades des tempêtes de sable, qui influenceront Pete Seeger, Bob Dylan, Bruce Springsteen et notre héros du jour, William Fitzsimmons. Ce natif de Pittsburgh en Pennsylvanie est un hipster folke. C'est quoi un hipster folke? Ne pas confondre avec hipster folker, ça c'est ma cousine Béatrice. Le hipster folke manifeste son retour à l'ancestral par la longueur de sa barbe, mais il garde un côté urbain, taillant soigneusement ses cheveux, court sur le côté ou pète ondulé sur le dessus. Au-delà de la coiffure, différente de nos tontons à nous du Larzac qui cultivaient le fromage de chèvre et le macramé, Cultiver le fromage, c'est... Oui, oui bah oui. Le, c'est une métaphore. C'est la réforme du collège. Exactement. Hein, c'est... Le voudra plus venir. Le message du folk moderne a changé. L'heure n'est plus aux leçons. On ne croit plus au grand changement collectif. On raconte plutôt sa petite vie. On cultive son jardin et l'on produit sa petite ritournelle. Mais mise bout à bout, les petites ritournelles individuelles donnent la grande ritournelle du monde. C'est peut-être ça la nouvelle sagesse. En tout cas, c'est ce qui va pousser notre héros à devenir psychothérapeute. Je rappelle qu'aux États-Unis, les intermittents du spectacle, ça n'existe pas, et qu'au contraire, pour jouer de la musique, il faut payer une grosse cotisation à l'Union, le syndicat. Les musiciens doivent donc faire plusieurs boulots. C'est ainsi que les meilleurs saxophonistes new-yorkais sont chauffeurs de taxi. Regardez De Niro dans Taxi Driver. Donc, notre psychologue, thérapeute, chanteur, fort de ses explorations psychiques dans l'âme de ses patients, auquel il va ajouter ses expériences personnelles, va avoir suffisamment de matériaux pour construire ses propres chansons. Si nul mieux que lui ne semble à l'aise dans le registre de l'intime, c'est aussi parce qu'élevé par des parents musiciens et aveugles, il s'est doté, lui est bien voyant, hein, mais ses parents étaient aveugles et il s'est doté. Vous êtes sûr parce que, oui. Parce que dans Taxi Driver, vous êtes sûr qu'il joue du saxo? On n'a pas vu la même version. De Niro? Ouais. Mais si, ah oui, il sort son sax à la fin. Non, sans déconner. On va vérifier. On va, hein, checker, on va checker, on va checker. Donc, il s'est vu doté d'un sixième sens et le monde sonore par le prisme de ses parents est devenu pour lui beaucoup plus riche et rempli de milliers d'informations que nous n'utilisons pas. Je ne sais pas si vous avez... Ah mais non, c'est Gâteau Barbieri qui joue du saxo. Hein. On reviendra à ça. Oui, à ce que vous faites. Oui, oui, alors, oui, oui. Revenez à votre texte, là. Bref... c'est comme ça. Alors, on en était aux parents aveugles. On en était aux parents aveugles. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le blind date? Absolument. Alors, vous avez mangé dans un restaurant dans le noir? Absolument. Et alors, vous voyez que le goût est meilleur, vous voyez que le toucher, tous les sens sont beaucoup plus exacerbés. On a l'impression que c'est avec ces sens-là que Fitzsimmons écrit ses chansons. En tout cas, il n'y a pas besoin d'attendre The Voice pour savoir qu'une voix se goûte mieux lorsqu'on est dans le noir. Et ben, c'est comme ça qu'il faut écouter William Fitzsimmons. Il y a des jours où la surinformation et l'hyperconnexion nous rendent parano. Il faut éteindre la lumière, se mettre William Fitzsimmons dans son casque, laisser la douceur de sa voix nous pénétrer comme un baume qui apaiserait toute notre petite douleur quotidienne. Il est aveugle ? Mais non, il n'est pas aveugle. C'est ses parents qui étaient aveugles. Ne vous méprenez pas, douceur n'est pas mollesse, comme disait la baronne Dupont-Mono et William Fitzsimmons. Contrairement à Orphée qui transformait les bêtes sauvages en 12 agneaux, nous laisse à l'état sauvage mais apaisé. Et nous voilà en l'écoutant. Moi, je me sens comme un lion qui sèche... Non, pardon. Comme De Niro dans Taxi Driver. Qui joue du sax. Dans sûr. New York, New dans York. New York, New York. Comme un lion qui sèche. Et oui, c'est ça. Bon. Allez, c'est très et bon. Comme un lion qui lèche ses plaies en regardant le soleil se coucher sur la savane. Ouais. Un lion qui sèche. This won't hurt a bit. Close your eyes and think of better times before you've given in. I'm not enough to make you better. I'm not enough. William Fitzsimmons, on a écouté Better. Je signale aussi qu'il a écrit le générique de Grey's Anatomy. Exactement, la c'est comme série. Ça qu'il s'est fait, qu'il s'est fait connaître. S'est fait connaître. C'est la découverte d'André Manoukian et vous pouvez revoir tout ça, bien sûr, sur franceinter.fr pour noter et consigner les découvertes musicales d'André Manoukian. Et les expressions, le lion qui sèche. Je me sens comme un lion qui sèche. Vous êtes sur France Inter, nous sommes accompagnés de Christian Delporte. On va parler du PS et des motions du PS, mais juste avant, à votre droite... Vous avez Guillaume Meurice, qui d'habitude est à gauche, mais il est à votre droite. À force de faire le tour, je finis à droite. Christian Delporte, vous allez voir le communique d'investigation à l'œuvre. Vous avez failli dire le communiste, d'ailleurs. C'est vrai. Et le communiste d'investigation à l'œuvre à Cannes, c'est vous dire le mélange. Et oui, Charline, troisième épisode de ma virée au Festival de Cannes, avec aujourd'hui le marché international du film, le lieu où se retrouvent les exploitants, les réalisateurs, les producteurs, bref, la grande famille du cinéma. Et moi, j'en fais partie, figurez-vous. Et ouais, j'ai fait de la figue dans un épisode de Louis la Brocante en 2008. Bam ! Ça vous calme, ça, hein ? Non, ça vous calme pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ma grand-mère était très émue. Aussi émue que quand on lui a offert une coupe de cheveux gratuite en 1945. Et l'émotion, ben, c'est aussi ça, le cinéma. Moi, je m'y connais. Moi, j'ai fait le cours Florent quand même, hein, comme oui, vous, oui, Alex, hein, le fameux cours de théâtre. On va beaucoup parler de vous, là-bas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est un cours très connu qui vend du rêve. Mais au sens premier du terme, hein, comptez à peu près 400 euros par mois pour le rêve, environ. Et ça t'apprend que le rêve, parfois, eh ben, ça peut causer des douleurs au niveau de l'anus. Ce qui m'amène à ma première question. Première question que j'ai posée à une diffuseuse de films érotiques. Est-ce qu'il faut coucher pour tourner dans un film érotique ? Non, non, ah bon ? Pas obligatoire. Même dans le film ? Non, même dans le film. Ah non, c'est pas... À ma connaissance. Bon, pendant le tournage, j'ai pas... Bah, après, ils font ce qu'ils font. Après, derrière, je ne sais pas. Mais pendant le tournage, non. Pendant le tournage, ils couchent pas du tout ? Bah non. Même devant la caméra ? Je crois pas. Bah alors, c'est pas du tout un film érotique. Mais c'est quand même érotique, bien sûr. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils font l'amour. D'accord, c'est pas très clair, pas très clair cette histoire. J'ai pas osé lui demander si à cause des restrictions budgétaires, ces acteurs allaient tous finir à poil. Je pense qu'elle aurait bugué, la pauvre. Non, j'ai préféré aller voir un jeune réalisateur, Léo Montel. Alors, quels sont ses conseils pour devenir acteur ? D'enchaîner les castings et d'enchaîner les échecs, le plus d'échecs possible, parce que au bout de... Ah ça, je sais faire ça. Au bout d'une multitude d'échecs, il y aura une petite réussite, puis une réussite un peu plus grande après. Et j'ose croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus on échoue, plus on a de chances de réussir. Je crois que c'est scientifique, oui. Eh oui, c'est une logique qu'on retrouve dans la série des Shadok et dans le parti politique du Modem, bien évidemment. Mais bon, enchaîner les échecs au casting, ça j'ai essayé aussi, et ça marche pas non plus, hein, par définition. Alors, est-ce que c'est moi le problème, ou est-ce que c'est le cinéma français le problème ? Demandons à un autre réalisateur. Bon, comment se porte le cinéma français ? Oh là là, les grandes questions. Moi, j'en ai aucune idée, moi. Pas mal, j'en sais rien. Plutôt bien, non ? Je sais pas. Moi, j'ai vu Camping 3, ça a pas l'air d'aller fort, hein. Oh là là, le piège. J'ai pas vu Camping 3, donc je ne pourrais pas en parler. Oh là là, le nul. Ah ouais, évidemment, c'est un piège. Camping 3, il est pas encore sorti. Bravo, la culture cinématographique. Alors, je pouvais pas compter sur un incompétent pareil. Alors, j'ai décidé d'aller à la base. Et j'ai rencontré Stéphane Guédin. Il est producteur, il est même président du syndicat AFPF, Association Française des Producteurs de Films. Alors moi, je me suis dit, cool, un syndicaliste, il est de gauche. Non, je ne suis pas de gauche. Comment pourrait-on me classer ? Comme un ignoble salaud de producteur et d'exploiteur de masse salariale. Voilà, bon, il est un brin cynique, hein, notre ami Stéphane, c'est du Clara Dupont-Mono décomplexé. Hein. C'est, bon, il a l'habitude des interviews, il est comme ça, il a du métier. Il a commencé à la télévision il y a plus de 20 ans comme scénariste de la série Cluedo. Il y a eu une série qui était couplée avec un jeu, c'était en 94-95 avec Bernard Ménez, André Pousse, Marie-Pierre Cazet, Andrea Ferréol. Que des gens décédés, quoi. Malheureusement, pas tous. Ah, voilà, je vous salue, Bernard Ménez. Je vous ai dit, il est décomplexé, Stéphane, sans langue de bois. Donc, il avait sûrement un avis sur le paradoxe du Festival de Cannes, qui est de récompenser des films sur la misère, tout en se vautrant dans les paillettes, les petits fours, le champagne. Pour résumer, récompenser les frères Dardenne et vivre comme dans Scarface. Et oui, à Cannes, on aime bien la misère, mais uniquement à l'écran, pas dans la ville. N'est-ce pas, Stéphane ? Vous cherchez mal, on peut trouver... c'est vrai qu'il faut voir à quelle heure on va la chercher, parce que le matin, on a les Roumains, voyez-vous, qui font les pare-brises. Le soir, il ne faut pas venir le soir, parce que le soir, on voit les Mercedes qui viennent les récupérer. Donc effectivement, il faut rester entre les deux. Et là, on voit la pauvreté. Les Mercedes viennent récupérer les Roumains ? Bien sûr. Ah bon ? Oui, des fois sur les pare-chocs, ça dépend à quelle vitesse on roule. Ah ouais, je vous l'ai dit. Oh, il est drôle. Ah, mais je vous ai dit qu'il est décomplexé. Il attention. Est ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça allait vous plaire, Clara, les blagues sur les Roumains et les pare-chocs. C'est le critique cinéma de valeur actuelle. il pourrait postuler. Mais non, mais c'est du deuxième degré. Mais alors attendez, parce que d'où lui vient cet humour fracassant? Peut-être d'un ami à lui, parce qu'il a commencé le métier avec qui? Jean Roucas. Avec Jean Roucas. Oh, oui, trop facile, Maurice. Tout à fait, j'étais backstage ou en régie vidéo ou en régie audio, j'ai appris mon métier. Il était déjà d'extrême droite ou pas? Alors, j'ai jamais trouvé qu'il était d'extrême droite. J'ai trouvé qu'il était un garçon qui était très gentil. Mais maintenant, il est d'extrême droite ou pas? Je peux pas dire. J'en ai jamais eu de. Non, je peux pas. Je peux rien dire contre Jean de négatif parce que ça serait déplacé et injuste. D'accord, d'accord. Et ben bah, tout s'explique d'un coup. Donc alors, c'était pas du deuxième degré. On ne sait pas. Alors faut-il briser une amitié quand l'un des deux amis part en couille? Excellent sujet de scénario. En attendant que Stéphane produise le film, on a quand même envie de lui dire d'arrêter son cinéma. Quant à moi, c'est pas en m'embrouillant avec des producteurs que je vais commencer le mien. Merci Guillaume Meurice. 17h43 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Christian Delporte. On va aborder avec vous le deuxième sujet de cette émission, les adhérents au Parti Socialiste qui vont voter demain soir pour départager les motions. C'est la séquence d'émotions au PS en vue du congrès de Poitiers et qui se tiendra début juin. Et un congrès qui s'organise tout doucement. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table. Ouais, il n'y a plus qu'à réunir les gars maintenant. Au fait, comment je fais pour que tout le monde se fasse bien l'image du truc? Parce que bon, pour le moment, j'en ai touché 2-3 mots comme ça, à droite à gauche. Les mecs, ils sont largués quand même. Ça viendra en son temps. Bon, allez-y, je me sauve, moi. Hey. Oui. Félicitations pour la table. Kaamelott, c'est un extrait de Kaamelott. Donc demain soir, 130 000 militants socialistes vont voter. Quel courage, et il en reste encore 130 000, c'est aussi ça l'information. Alors d'un point de vue de l'image du parti, alors Christian Delporte, vous racontez notamment dans Comeback ou l'art de revenir en politique chez Flammarion, que l'importance de l'image aussi et du retour, c'est que la compétence ne suffit plus. Chez nos politiques, on communiquait sur la compétence, c'est devenu absolument insuffisant. Est-ce que cette forme d'élection perpétuelle, c'est-à-dire qu'on a des primaires, il y a des motions, etc., on va voter pour le nom du parti, c'est aussi une façon de vendre le parti et d'en donner une chouette image. Oui, mais apparemment, ça ne fonctionne pas très très bien, puisque d'année en année, il y a de moins en moins de militants. Hier soir, il y avait une réunion à la Mutualité, où il y avait la présentation de toutes les motions, et chacun est monté à son tour sur l'estrade. Et j'ai relu une phrase de Jean-Christophe Gambadélis, qui est quand même intéressante. La motion A, qui montre à quel point il a de l'humour. Il répondait à Karine Berger, il lui disait « Le PS n'est pas devant le gouvernement comme un marsupilami qui ferait ouba, ouba. » Ce qui est dans la bouche de Cambadélis, un peu particulier. Et je pense qu'il a tort de ne pas retenir le marsupilami pour au moins deux raisons. D'abord parce que ça ferait un bien meilleur logo. Un logo beaucoup plus original que celui des Républicains, qui est un peu vintage. Ouais. Et puis le marsupilami a beaucoup de vertus. Qui manque au PS. D'abord, il a une force redoutable. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui au Parti Socialiste, faut bien le dire. Ensuite, il est amphibie. Or, tout le monde sait qu'en politique, il faut savoir surnager. Ensuite, il grimpe très très haut dans les arbres, ce qui lui donne une vision panoramique. Et cette vision panoramique manque un petit peu au PS. Il a une longue queue, alors là, j'attends votre métaphore. Non, bah, ça... C'est le retour de Strauss-Kahn, éventuellement. Ça, c'était sous-entendu. Ah, pardon. Mais il a une autre vertu, le marsupilami, c'est que c'est le seul animal qui sait rire. Et je pense qu'on ne se part pas tous les jours au PS. Oui, ça c'est sûr. Et oui, le marsupilami. Alors on mettrait quoi? Alors chez les Républicains, il faut qu'ils trouvent un animal aussi. Je sais pas, on avait pensé à la loutre. Je trouve grognon. Ouais, moi j'avais pensé au bousier, parce qu'ils roulent leur petite boule de caca devant eux comme ça. Un gnou. C'est vrai. Alors, mais on pense toujours que, à l'UMP, à la fin, c'est Sarkozy qui décide. C'était l'objet de notre conférence de rédaction ce matin, et ce qu'avait écrit Alex Vizorek. C'était, bon, c'est sympa là, cette démocratie et cette élection perpétuelle, mais on a l'impression qu'à la fin, c'est Sarkozy qui décide. Et pour les motions, bah, la motion A. Évidemment, c'est la motion A, c'est la motion de Hollande, finalement, de Cambadélis et de Martine Aubry qui s'est ralliée. Est-ce qu'à la fin, on a de toute façon cette image où c'est toujours le chef qui décide C'est différent. Les partis sont différents à gauche et à droite. À droite, tout est organisé autour d'un chef. Et donc, on est à la recherche d'un chef. À gauche, on est toujours à la recherche d'un corpus idéologique représenté par les personnes. Donc, il faut une synthèse. Et donc là, il y a 4 motions. Il va y avoir un vote. Aucune n'aura sans doute la majorité absolue dès le premier tour. Eh bien, on va faire une synthèse, on fait comme ça depuis Mitterrand. C'est la différence entre les deux partis principalement. À 17h46 sur France Inter, c'est le moment aussi où on s'élève, tel un bond du marsupilami, chez Clara Dupont-Monod et dans sa bibliothèque. Oui, Charline, parce que l'actualité, c'est aussi le départ annoncé du dessinateur Luz, qui a décidé de quitter Charlie Hebdo. Et c'est justement aujourd'hui que sort son album Catharsis chez Futuropolis. Comme quoi, il existe parfois des livres en forme de salut ou en forme de baroud d'honneur. Et bien, celui-ci, c'en est un. Alors, catharsis, c'est un mot grec, la matière préférée de Najat Vallaud-Belkacem, qui signifie purification. Et c'est le rocker préféré de André Manoukian, Aristote, qui a inventé cette notion. C'est-à-dire qu'à un moment, la représentation artistique permet d'épurer les passions. C'est une espèce de purge émotionnelle. Alors, il se trouve que Luz avait besoin de cette purge émotionnelle, puisque le matin du 7 janvier 2015, en fait, c'est son anniversaire. Le 7 janvier, c'est son anniversaire. Donc, il va faire des courses et il arrive en retard à la conférence de Charlie Hebdo. Donc, il arrive, il découvre le carnage et cette arrivée, donc dans les locaux de Charlie Hebdo, il la dessine. Il peut enfin la mettre hors de lui, l'extraire de lui grâce au dessin. Parce qu'il écrit dans sa préface: le dessin m'a quitté le même jour qu'une poignée d'amis chers, à la seule différence qu'il est revenu, lui. Nous nous sommes dit, le dessin et moi, que nous ne serions plus jamais les mêmes. Et donc cet album, il faut le voir comme l'histoire des retrouvailles entre le dessin et Luz, entre la vie aussi et lui. Alors, elles sont compliquées ces retrouvailles, elles sont pleines de souffrances. Pourtant, l'humour n'est jamais loin. Et de ce côté-là, Luz, il marche exactement sur les traces d'un autre grand de la BD qui s'appelle Franquin et qui avait fait un album qui s'appelait Les Idées Noires. Et c'était exactement ça. C'est ce mélange de dépression et de déconnade. Si vous ne connaissez pas Idées Noires de Franquin, allez-y, parce que c'est une petite merveille. Alors, par exemple, Luz, il dessine et il fait parler ses mains. Alors, la droite est toujours fermée, c'est un point, elle est toute crispée, toute stressée, elle peut plus tenir un crayon, et elle se fait engueuler par la gauche, qui lui dit « mais détends-toi, allez, ouvre-toi, prends un crayon !» Et puis il finit par l'insulter, et il la traite de connasse. Ou alors, Luz se dessine avec sa protection rapprochée, tout le temps, parce que maintenant il en a tout le temps. Donc, il dessine ses mastards toujours autour de lui, et on le voit aux toilettes, sur la cuvette des toilettes, avec trois gars autour de lui, qui inspectent comme ça la chasse d'eau, le papier toilette, ou alors il se dessine dans son lit, avec sa femme. Et sa femme demande « Tu bandes, mon amour ?» Et il répond « Non, non, non, ça c'est le gun d'un collègue. » Parce qu'effectivement, ils sont tout le temps avec lui, tout le temps, et il faut bien s'habituer. Alors, il y a une chose aussi qui est très belle et très poignante dans cet album, qui est que Luz personnifie sa souffrance en la dessinant sous forme de boule. C'est la boule au ventre, la fameuse expression, la boule au ventre. Et il la baptise, il l'appelle Ginette. Et Ginette lui dit « Tu peux me tutoyer, hein, on va vivre ensemble un bon bout de temps. » Et cette boule, elle rappelle en fait le boulet de Gottlieb. Gottlieb, dans un de ses rubriques à bras, à un moment, il dessine un boulet qui est attaché à sa cheville, tout noir, évidemment, qui le tire vers le bas. Mais progressivement, ce boulet, au niveau du dessin, se confond avec la pupille des yeux sombres de sa petite fille. Donc autrement dit, le mal-être se dilue, en fait, dans le regard d'une enfant. Et Luz, c'est pareil, parce que cet album-là, encore une fois, c'est des retrouvailles entre le dessin et lui. C'est pas quelque chose de plombant, c'est quelque chose qui est vraiment tiré vers le haut. Et à un moment, il regarde sa femme, elle devient toute rouge, l'image devient sanglante, et puis il entend cette phrase anodine, il entend « Tu peux me faire un café ?» Et il reprend ses esprits et l'image redevient normale. Vous voyez, c'est des tas de petites choses comme ça. Il règle ses comptes aussi, hein. La catharsis passe aussi par là. Luz se dessine en train de se torcher les fesses avec le micro d'un journaliste. Il montre les réactions de sympathie, mais en fait, qu'il fragilise encore plus. Et notamment, il y avait eu la sculpture offerte par un artiste, un grand, grand crayon en guise de soutien. Bon, bah, Luz, il dessine un artiste qui s'emballe et qui devient un peu fou et qui propose une gomme de 8 mètres ou un stylo de 10 mètres en disant « C'est moderne, un stylo !» Et puis, il part en flamme comme ça, puis il fait « Ou un scanner de la taille d'un bateau, ou une photocopieuse de la taille d'un immeuble !» Et il dit « Alors !» tout en secouant Luz comme ça dans tous les sens. Bon. Mais quand même, une des dernières planches qu'on a, qui nous donne à lire, eh bien, ça montre Luz en train de lire un roman, et sa boule Ginette essaie de parasiter sa lecture en ricanant. Elle dit « Tu crois que je vais disparaître juste parce que tu lis un bouquin ? Naïf !» Et Luz, en fait, l'ignore, continue à lire, et Ginette finit par s'endormir. Voilà, la force d'un livre. C'est très très beau. Je vous donne les références, c'est Catharsis de Luz, qui est paru chez Futuropolis. Merci Clara Dupont-Monod. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Delporte jusqu'à 18h et on a choisi un troisième sujet qui sort un petit peu de votre domaine de prédilection. Si peu. C'est vrai, ah bah, on va trouver les liens. C'est le troisième sujet, donc après le sujet 1 et le sujet 2. Hein, parce que, puis là, avec la réforme des collèges, on est... Vous ordonnez extrêmement bien les sujets. On ne sait plus très bien. Donc PSA Peugeot Citroën va vendre le club de foot de Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 à un vendeur de lampes chinois. Le club était en difficulté, l'accord a été trouvé assez rapidement à la chinoise. Hein. Il faut être raisonnable. Maintenant, nous avons besoin de ce oui-oui pour réaliser cette opération immobilière. Alors vendez, nous vous en offrons un bon prix. C'est une affaire pour vous aussi. Et de toute manière, nous finirons par l'avoir. Alors, signez l'acte de vente et on n'en parle plus. Un extrait de La Fureur du Dragon. On ressent que le doubleur a dit, est-ce que je fais l'accent, est-ce que je le fais pas? Allez, je fais entre les deux. Voilà, alors vous rappelez que PSA a ouvert son capital à l'État et au chinois Dongfeng assez récemment. PSA vend maintenant son club de foot à Ledus, donc un vendeur de LED chinois. La famille Peugeot avait créé le club en 1928 pour offrir du pain et des jeux à ses ouvriers. C'était vraiment ça. Bah voilà, pour le club de foot pour les ouvriers. Et puis le club est en Ligue 2, difficulté, il est vendu aux Chinois et ça n'a l'air d'émouvoir pas grand monde. Alors on a fait un petit sujet hier matin sur France Inter dans les journaux du matin. Il y a aussi, c'est aussi par exemple l'histoire du jour dans le Figaro, mais c'est un tout petit article. Ça n'émeut plus personne finalement. Il y a le Qatar qui rachète le PSG. Ça, on sait qu'il y a des Russes à Monaco. Voilà, il y a des Russes à Monaco. Des Belges à Lille. Les Chinois. Pensez-vous qu'on va se faire bouffer? On voit quand même que les Chinois rachètent petit à petit toute l'Europe du Sud. Hein, une banque au Portugal, un morceau du Pirée en Grèce, le Club Med en France. Donc tout ça est assez logique. Le Club NEM, oui. Personne n'a osé leur faire ça. Bah, fait, ça y est, c'est validé. Le Club NEM. Non, n'écoutez pas. C'est le quart d'heure sinophobie. Hein. Allez-y, faites-le. C'est pas très gros ça. Michel Leb revient, ils sont devenus fous. C'est pas une très grosse entreprise, un très gros chiffre d'affaires. C'est pas l'équivalent du Qatar. Chose un tout petit peu inquiétante quand même, que j'ai eu quelque part que l'entreprise était domiciliée aux îles Caïmans. Il y avait un compte aux îles Vierges britanniques. Non, vous êtes suspicieux. Vous êtes tatillon. Il a trouvé les 7 millions quelque part. Et peut-être ce qui est inquiétant, c'est que nous sommes l'année de la chèvre. Je ne sais pas qui est la chèvre. Donc c'est pour ça qu'ils ont acheté ce. Ah oui, ça c'est pas mal. Alors je me disais aussi, il y a Arnaud Montebourg en ce moment est entre le rayon des abat-jour et le rayon des chaises de bureau chez Habitat. Donc, il n'y a plus personne pour s'insurger, pour médiatiser la chose. Est-ce qu'il manque Arnaud Montebourg dans ce débat? Oui, je ne sais pas s'il serait intervenu sur le sujet. C'est évidemment, un club de foot, ça n'a pas la même valeur symbolique qu'un grand groupe industriel ou qu'un réseau de transport ou qu'une grande banque. Mais on sait que ce groupe a également d'autres intentions, et notamment d'installer un petit peu partout en Europe. Il a commencé en Espagne et ailleurs des centres commerciaux. Hein, donc c'est plutôt du côté de Carrefour, Auchan ou Intermarché que l'on va s'inquiéter. Est-ce qu'il y a un lien entre la communication des politiques et la communication du football ou pas? Politicien et football, c'est un mariage? La politique et le sport de manière générale, a fortiori le football, évidemment, ça devient très fort. Je veux dire que si, on se souvient de Giscard à poil dans les vestiaires, non? À torse nu. Oui, calmez-vous, mais... Charlie. Charlie, détendez-vous. Tous les hommes politiques assistent aux matchs de football, de Giscard à Sarkozy, Hollande. Tout le monde trouve que le football est formidable. Vous parliez juste d'Arnaud Montebourg. Vous pensez qu'il a enterré l'idée de son retour ou qu'il pourrait revenir? Parce que ça inquiète beaucoup Clara. Profond. Il faut toujours se méfier d'un homme politique qui dit « je ne reviendrai jamais ». Tel Cincinnatus, voilà. Il retourne à ses champs et à ses charrues. Je cite du Montebourg assez régulièrement. Voilà. Il vous expliquera ensuite qu'il y aura des circonstances qui l'obligeront. C'est pas lui qui veut, hein. Ce sont les circonstances qui le poussent à... Comme dans Comeback, votre ouvrage, hein, l'art de revenir en politique. Il y aura un tome 2 avec Arnaud Montebourg bientôt. Alex Vizorek, c'est le moment du sketch. Mais oui, parce que hier, le Figaro.fr nous dit « Arabie Saoudite, le gouvernement recrute des bourreaux ». Et effectivement, comme il y a de plus en plus de condamnations, ils cherchent des gens donc pour couper les têtes et amputer les membres en cas de vol. Donc voilà, on s'est un petit peu demandé comment ça pouvait se passer à Pôle emploi, Arabie Saoudite. Oui, bonjour, Pôle emploi Arabie Saoudite. Bonjour monsieur. Oui, c'est pour quel poste? C'est pour le poste de bourreau. Ah, très bien, très bien. On a beaucoup de demandes, hein. Bon, quelles sont vos motivations pour ce poste? Je suis femme au foyer, une des femmes au foyer, oui. Et j'aime bien couper la viande. Attendez, il y a un souci. Vous êtes une femme? Vous savez, quand on est une femme dans ce pays, c'est ou être bourreau ou se faire lapider. Là, moi, au moins, je serai à l'abri. Oui, c'est pas bête. Notez qu'on a une pénurie de main-d'œuvre à la lapidation aussi. Ah, mais je peux postuler aussi pour ça. Bien. Si je dois exercer la lapidation, j'ai un un très bon lancer de cailloux. J'ai vécu quelques années avec un Palestinien. Ah, très bien, très bien. Bon, bah, je mets votre dossier sur la pile, mais ça va être chaud, hein. Je vous préviens, ça va être chaud. J'ai là un candidat qui rentre de stage chez Daesh. Il est capable de couper la tête avec une petite cuillère plus rapidement qu'avec un couteau, hein. Vous pouvez pratiquer des amputations d'un bras? Bon, ça, je suis pas trop fan, hein. Bon, vous savez, j'aime pas que le travail soit fait qu'à moitié. Ah, très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Allez, candidat suivant. Moi, bonjour. Oui, c'est pour le poste de bourreau aussi. Oui, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Vous allez me faire perdre la tête, hein. Ah, vous voulez que je m'en occupe? Non, ça va aller, c'est une expression. C'est bien cette augmentation des condamnations à mort parce que ça fait baisser le chômage. Ah, bien sûr, hein, si j'étais un pays avec une mauvaise courbe de croissance, je relancerais les exécutions. Quoi? Bah oui, ça vous choque? Bah oui, il y a encore des pays qui pratiquent pas d'exécution. Eh ouais, mon bon monsieur, il y a encore des gens qui refusent le progrès. Merci Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Vous avez fait comme le doubleur de Bruce Lee. Vous avez hésité sur l'accent. Sur le bijou. Le bijou, voilà. Le bonjour, on ne sait pas. Non, c'est mon accent belge, ça, oui. N'est-ce pas? Christian Delporte, je rappelle votre ouvrage qui ne s'use pas. Je pense qu'il est encore valable jusqu'à la fin de ce siècle. Il s'appelle Les siècles des siècles à venir, Comeback ou l'art de revenir en politique. C'est paru chez Flammarion. On était ravis de vous recevoir. Merci. Merci Clara Dupont-Moneau. Merci Guillaume Meurice. Alex Vizorek, on va se retrouver demain avec Antoine de Maximi. Très bien. Qui viendra dormir chez nous pour une fois. Je laisse le mot de la fin à Nicolas Sarkozy, organisant savamment son petit bureau politique resserré. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité des hommes, c'est la qualité. C'est pourquoi vous allez suivre, sous ma direction, un entraînement de choc.